Mais et c'est tout. Est-ce qu'on peut entendre aussi une entité de nature? Oui, on peut entendre parce que par la cérébrisation, même chose. Tu peux entendre des sons, tu peux entendre des bruits. Parce que moi, c'est quoi la différence entre une entité de la nature et une entité astrale? Bon, une entité de la nature, ça fait partie du corps vital. Je leur explique que ça fait partie de la réalité synchronisée avec la réalité oculaire. Je vois un arbre, les entités qui sont là font partie de ce monde-là. Bon, une entité astrale, c'est... L'entité de la nature en plus n'a pas d'intentionnalité face à toi. Ça veut dire que l'entité de la nature va s'occuper de la plante, de l'arbre ou de ce qu'il a à s'occuper, peut jouer parce que ton espace-temps vient perturber le sien, ta présence est là, donc nécessairement ça crée quelque chose. L'entité astrale, lui, peut facilement avoir une intentionnalité par rapport à toi. J'explique. L'entité de la nature se nourrit de la plante, de l'animal auquel il est jumelé. Quand on tue une plante, on tue une entité de la nature. L'entité astrale, lui, se nourrit de l'émotivité humaine. Donc, quand on voit une entité astrale, lui, il a un intérêt à te manipuler, à te charrier, à te posséder même à la limite, parce qu'il se nourrit de ton émotivité. Donc, il pourra se montrer joli pour que tu tombes en extase, te faire peur, te troubler. Il va essayer d'entrer en communication avec toi probablement. Lui, il a une intentionnalité par rapport à toi. L'entité de la nature n'en a pas. Parce que les entités astrales peuvent nous manipuler même si on ne les voit pas, parce qu'on les... Ben, c'est ce qui arrive fréquemment. Mais l'entité astrale est beaucoup plus rusée vu qu'il a une intentionnalité par rapport à toi. Et il va souvent juxtaposer à ta pensée. Alors, tu vas dire « je vais boire de l'eau » puis lui, il va corriger ça en disant « je vais boire de la bière ». Parce que tu vas te saouler, tu vas plus d'émotivité, puis ça va nourrir l'entité. Ces entités-là vont souvent engendrer des disputes. Par exemple, le couple va bien, et puis quelqu'un va dire, l'entité peut rentrer dans un, puis lui dit, au mot gros, là, c'est une insulte. Le mot gros, c'est une insulte. Bon. Quand la personne est suffisamment prête, l'entité change de place, elle va voir l'autre personne, puis lui fait dire, as-tu vu ici un gros verre? Et l'autre à côté, il dit, ben, gros, il n'est pas si gros que ça. Puis l'entité se promène d'un bord puis de l'autre, puis là, t'es organise. Et finalement, ça part une dispute pour rien. Ça, c'est fréquent. Alors, donc, l'entité peut aussi t'amener à la relation sexuelle, alors que tu n'en as pas le goût. Les entités astrales s'occupent régulièrement de manipuler l'humain parce qu'elles se nourrissent intimement de l'émotivité humaine. Mais l'entité de la nature peut quand même faire peur. Enfin, j'ai un exemple. C'est-à-dire que tu peux avoir peur tout seul, toi, de l'entité de la nature. Oui, c'est ça, j'allais dire. Mais l'entité de la nature ne te fera pas. Moi, c'est pour faire la différence entre les deux, parce que encore à Montebello, à un moment donné, c'était la nuit, puis j'ai entendu là vraiment quelqu'un s'en venir en marchant rapidement, puis j'étais convaincue que c'était un chef, j'étais convaincue que c'était quelqu'un, puis il n'y avait rien, la personne est arrivée, l'entité est arrivée à ma hauteur, puis il n'y avait pas rien, j'étais pas toute seule, il y avait un groupe, puis mais là, c'est ça, est-ce une entité de la nature ou une entité astrale? Parce que nous autres... Bon, est-ce que les bruits étaient des bruits auditifs? Oui, je te dis, c'était tel quel que quelqu'un qui marchait dans le bois, tel quel. Ça peut être une entité de la nature qui était suffisamment dense là pour faire du bruit, même si tu ne l'as pas vu, parce que tu devais chercher d'autres choses. Ça peut être aussi un paquet d'autres phénomènes qui sont présents sur la planète régulièrement et qui ont des problématiques, qui manipulent l'humain. Bon, en tout cas, on pourra revenir là-dessus peut-être à la prochaine conférence. On parlait un peu des forces qui gouvernent l'homme. Mais l'humain est entouré en tout cas de mécaniques suspectes. Bon, moi je me souviens. Maintenant, ce qui arrive simplement, c'est que l'entité de la nature va jouer. Donc, elle peut apparaître devant vous autres, là, si vous la voyez un peu, qu'une lampe extrêmement grande, qui fait qu'un paquet de gnignignants, puis là, vous allez avoir peur. Et là, les entités astrales vont se servir de votre peur, vont s'arranger maintenant pour se juxtaposer à l'entité de la nature, puis là, vous engendrez un phénomène de monstre pour que vous puissiez continuer à avoir peur. Mais l'entité de la nature, ce sont des êtres qui jouent. Ils sont cocasses, ils n'ont pas d'intentionnalité réelle, pas par rapport à toi. Ils vont niaiser un papillon, ils s'amusent. Alors, l'être humain rentre dans l'eau et ils vont s'amuser avec lui-même aussi. Comme quand je les prenais par la main, ben, il m'amenait toujours en dehors du chemin. Non, mais c'est pas parce que, bon, faire peur, bon, moi ça me fait pas peur parce que plus c'est laid, plus c'est horrible, plus ça me fait rire. Donc, ça va épeurer d'autres personnes, mais... C'est pas de l'astral, même si la personne peut avoir peur. Oui. Okay. Bon, je me souviens, la première fois que j'en avais vu, on était à Montebello. On est arrivé tard, fait que je pouvais pas monter tout de suite pour réveiller tout le monde. Puis j'ai décidé de coucher dans le Jeep d'un de mes amis. C'est réel dans un Jeep. Ouais. Tout ce Jeep-là, c'était fini. C'est ça. J'avais deux genoux dans le coffre à gants. J'ouvrais le coffre à gants pour être capable de respirer un peu. Puis là, j'ai baissé la fenêtre. Puis là, j'entendais du bruit. Mais c'était vraiment un bruit physique. Je pensais de voir un raton laveur, une bouffette, quelque chose comme ça. Puis là, je me suis installé comme ça. Puis là, j'ai attendu pour voir les moufettes ou les restaurants. J'en ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, c'était des petits bonhommes à peu près sur dos, puis qu'il y avait de l'air formé d'un nuage. Mais il y avait les formes d'un humain, mais beaucoup plus petit que moi, là. C'est pas le style. Là, ça courait partout. Il avait l'air effrayé que je les vois. Oui. Puis là, moi, j'ai été surpris de voir ça. Puis, on avait peur. Non, l'autre, il dormait. C'est la planète, ça. C'est ça. Là, j'ai essayé de les revoir après, mais j'ai pas été capable. Bon, là, j'entendais plus de bruit non plus. Le fait d'être surpris, ça leur a fait peur. Mm-hmm. Si ça avait été naturel pour toi de les voir là, tu aurais continué à les voir. Probablement qu'ils seraient approchés, ils auraient grimpé sur l'automobile, un peu comme au parc safari. Le fait que ça te surprenne, automatiquement, les deux... Bon, je simplifiais là, mais les deux perceptions de ces deux mondes-là, le plan vital, le plan matériel, ont juste glissé un peu. Eux autres ont baissé un peu leurs vibrations parce qu'ils ont eu peur. Tu as baissé la tienne un peu parce que tu as eu peur, puis le contact était tellement coupé. Donc, tu n'entends plus rien, ben, tu peux entendre maintenant les ratons laveurs et les moufettes. Ouais. Mais les entités, c'est fini là. Alors donc, il aurait fallu effectivement que tu n'aies pas peur, puis que tu te regardes ça en disant « Ah, ben c'est ça, vas-y, tu as le chapeau. » Non, il n'y avait pas de chapeau. Comme à un moment donné, moi j'étais dans la forêt, je marchais, mais la tuque. Il n'y a pas de tuque non plus. Bon, mais les oreilles, il y a une barbe. Bon. Je marchais dans la forêt avec un ami, je monte sur le haut d'un sommet et j'arrive plus ou moins néané, à peu près aux premières tables ici, avec trois chevreuils. Et les chevreuils sont en train de fouiller, ils grignotaient des feuilles, puis c'était printemps de bonheur, donc des bourgeons, puis finalement, bon, il y en a un qui me voit, évidemment. Ben là, on se voit. Là, mon ami arrive en haut, le chevreuil reste là. Puis, tiens, des chevreuils! Puis, chevreuil. C'est là, on m'a dit, ah, j'aurais pas dû parler. Non, c'est pas vrai. Moi, je vois un lièvre. Ah, un lièvre ici. Hein, venez voir un lièvre ici. Il arrête, il ressortonne. C'est la même affaire. C'est pas le fait qu'on parle. Il y a une théorie qui dit que quand tu parles, t'es occupé, t'es fiche, t'es inquiète, ils regardent. D'autres vont dire, quand tu parles, ils s'en vont, ça fait peur. C'est pas ça. Ça dépend de comment toi, tu es placé cérébralement, comment toi, quel type de présence viens-tu imposer à leurs entités de la nature? Les chevreuils vont rester là si les entités de la nature sont bien avec toi. Les chevreuils vont déguerpir si les entités de la nature sont mal avec toi. Et c'est une problématique souvent pour les chasseurs. Aller à la chasse, pas de fusil, vous allez en voir. Ben, allez-y avec un fusil, c'est pas mal plus compliqué. Bon. Alors, le chasseur, il doit se cacher, il doit attendre. Lentement, il change de son prototype cérébral. Il change ses vibrations cérébrales, donc il change ce qu'il va émettre. Puis, à un moment donné, ben, les entités de la nature ne le détectent plus en tant que prédateur. Et puis, à un moment donné, ben, il y a l'animal qui vient là. Le gars, il s'est servi de son intelligence, donc il s'est placé dans un endroit où, normalement, ils viennent, les animaux. Quand il en vient un, ben là, il se replace. Puis là, l'entité peut l'alerter, peut ne pas l'alerter, dépendamment du temps que ça va prendre. Puis l'autre, il arrive à descendre. Mais souvent, ce qui va arriver au chasseur, c'est quand il voit, il ne s'excite pas. Oh, pas qu'il s'excite. S'il s'excite le moindrement, l'animal décolle. Et il s'explique qu'il n'a pas toute la mécanique. Évidemment, il y a un autre genre de chasse, la chasse au canard. Bon, là, t'as pas t'excité, il décolle, t'es descend après. Ça veut dire que le monde astral et le monde vital sont incompatibles? Ben, incompatibles, ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. Une chose est certaine, c'est que dans certaines entités, comme ça, on regarde ici, chaque corps physique a une entité de la nature, finalement, un prototype vital qui veille et qui lui ressemble un peu, puis qui se promène, puis qui fait d'autres choses. C'est très, très, très, très enfantin au niveau de la conscience. Pas enfantin, très simple au niveau de la conscience. Donc, ça a une naïveté qu'on retrouve des fois chez les très, très jeunes enfants. Et chaque personne ici a aussi des entités astrales qui y sont reliées à l'ego, qui constituent finalement l'ensemble des pièces de l'ego. Et quand on regarde un peu, bon, on voit aussi qu'il y a de l'intelligence chez les gens. C'est quelque chose d'autre. On parle de l'entité de la nature. J'étais avec deux autres personnes, encore là, à Montebello. C'est dans la forêt, c'est une place où on voit beaucoup de choses. Puis, on voyait... Il y a des arbres, des roches... C'est l'entité de rétroprojecteur qu'on a caché là. T'as caché dans l'hologramme. Ah, je ne la savais pas, celle-là. Et puis... je vois dans la forêt, à peut-être une cinquantaine de pieds, un triangle rouge dans les airs, mais c'était vraiment, c'était vital, on voyait. Puis là, je dis pas ce que je vois, puis j'étais avec deux autres individus, puis je demande qu'est-ce qu'ils voient, puis on décrit finalement les trois la même chose. Alors là, on était tous les trois au moins dans la même réalité. Y avait-tu un gros oeil dans le triangle? Non. Superman, non. Alors moi, des fois, et puis... face à ça, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une entité de nature ou c'était une autre, quelque chose, c'était quelque chose vital, mais c'était quoi? C'est quelque chose de vital, mais c'est pas une entité de la nature. Puis là, si on se met à parler de ça, on va devoir rentrer un bloc pas mal plus vaste dans cette conférence. Ouais. Et combien d'heures il nous reste? Sûrement pas. Parce que il faut comprendre, premièrement, que l'être humain vit. La façon dont l'être humain vit, c'est une suite. C'est chaque être humain vit dans. On va parler, disons, collectivement, là, même si c'est un peu faux. Là, bon, on ajuste ça plus tard, dans le séminaire ou dans des ateliers, mais pas. Bon, c'est plus facile à comprendre. Alors, on va dire, il y a une réalité, mais dans notre réalité, c'est comme une espèce de gros couloir dans lequel on circule, donc du passé, présent, vers le futur. Mais il y a énormément d'autres couloirs juxtaposés dans le continuum que certains appelaient les mondes parallèles. Les mondes parallèles, c'est un terme qui peut aller, mais il y a aussi des allochrones, des mondes différents. Ce ne sont pas des mondes parallèles. Ce sont des mondes qui sont perpendiculaires, qui sont nommés dans quelle direction. Et de temps en temps, il y a des nœuds homochroniques, c'est-à-dire que dans certains de ces couloirs, il y a d'autres couloirs qui viennent traverser. Quand les couloirs se traversent d'une façon très, très, très lente, ça va créer des histoires légendaires, ça va créer des mélanges, comme le phénomène arthurien, mais comme il y en a eu d'autres aussi. Ça crée des mélanges de fées, de sorcières, de magie, etc. Pendant un laps de temps, ça arrive lentement, parce que lentement, ils viennent se juxtaposer. Et progressivement, ben là, on vit là-dedans. Un mélange complet entre l'homme et la magie, par exemple, dans certains mélanges de neuro-homochroniques. Et à un moment donné, ça s'estompe, ça s'estompe, ça s'estompe. Et là, on peut dire, les temps, ces temps-là sont finis. Il y en aura d'autres. Et ce qui arrive régulièrement, c'est qu'il y a aussi des croisements complets. Donc, beaucoup plus rapides. Et l'être humain peut, dans ces nœuds-là, changer le monde. Ce qui est arrivé de temps en temps, il y a des endroits planétaires qui sont plus propices à des mélanges homochroniques. À Finum, il y en avait un tout près d'ailleurs. Il y en avait un dans le triangle des Bermudes. Il y en avait un, bon, à plusieurs places. Et le triangle des Bermudes, ça ne fonctionne plus. Mais c'est normal, puisque le nœud qui avait une certaine grandeur, et maintenant, on est rendu ailleurs en termes de déplacement temporel. Donc, en 1994, il n'y en a pas. Puis en 1957, il y en a. Et ce que vous pouvez voir et ce que l'humain peut voir de temps en temps, bien, régulièrement sur la planète, mais de temps en temps par milliers d'individus planétaires, ça va être d'assister à une perturbation, donc à un mélange d'un réseau homochronique, très petit. Et là, ce qui va arriver, c'est que dépendamment du cerveau, dépendamment de ton ego, dépendamment de tes croyances, de ta vibration, etc., tu percevras une particularité de ce nœud homochronique. Ça, donc, ce qu'on a vu là, ça pouvait appartenir à un autre monde, on peut dire, ou un plan parallèle, ou une autre réalité, disons. C'est ça. C'est ce qui arrive. Mais est-ce que c'est une porte qui aurait pu... Ben, une porte, oui, s'il a le temps. Souvent, ces nœuds-là sont des nœuds très, très fins. Parce que là, je parle d'un gros réseau homochronique avec tout le monde dedans, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. En réalité, chaque être humain a son réseau homochronique. Donc, sa ligne homochronique, son plan de vie. Et il peut changer de plan de vie régulièrement, dépendamment des nœuds qu'il va rencontrer. Et il peut aussi changer de plan de vie s'il comprend la mécanique du voyage à travers le continuum, donc du voyage dans le temps. Maintenant, ce qui va arriver souvent, c'est qu'on va... Et l'ego est celui qui décide normalement quel genre de branchement on prend au niveau des lignes homochroniques. Alors, plus on a un ego qui est éduqué dans la violence, plus il glisse dans des lignes homochroniques où la violence est présente, donc l'humain esprit là-dedans. Plus on a un ego qui... Donc, en tout cas, bref, plus on change notre ego au départ, donc plus on se connaît, plus on se reprogramme, plus on se travaille, ben nécessairement, plus on va glisser vers des vies, des plans de vie qui sont à la hauteur de notre intelligence et qui sont plus brillants. C'est autre chose. Au niveau du plan vital, donc des entités, ben, il y a des entités qui font partie, c'est pourquoi tout à l'heure j'expliquais que c'est important, la synchronicité. L'entité vitale est synchrone avec un corps physique. Une plante, une roche, etc. Synchrone. Bon. Maintenant, au niveau du plan astral, là, on a toute la ligne au complet. Au niveau des nœuds homochroniques, on va normalement voir plus puissamment quelque chose, normalement, où on va entendre, il y a beaucoup de perceptions de d'OVNI qui sont des perceptions de nœuds. Il y a beaucoup d'OVNI de façon qui viennent carrément du futur, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des transtemporels. OVNI, ce n'est pas nécessairement soucoupe volante, en tout cas, des objets volants non identifiés, ou des objets flottants, non identifiés, des paquets d'autres choses sont rencontrés régulièrement. Alors, dans ces nœuds homochroniques-là, ce qu'on peut voir, donc une panoplie de phénomènes. Ce sont des portes, et la porte, elle est là tant que ça reste là. Mais normalement, ce qui va arriver, c'est que si plus l'ego va avoir peur, par exemple, vous voyez quelque chose, si l'ego est trop envieux, ou si l'ego a peur, ou si quoi que ce soit, l'ego, normalement, va faire glisser latéralement d'un homochrone à un autre, donc d'un plan de vie à un autre. puis la chose va s'estomper parce que vous venez de changer de mot-chrone. Bon. Et les plans de vie, ça se change régulièrement, et c'est pourquoi les astrologues ou ceux qui vont vous prophétiser votre avenir vont vous expliquer que, on pense que, mais on n'en sait rien. Ça dépend de nouveau des programmations des groupes. On a surtout donné des exemples de gens qui ont vu des sentiers de la nature en forêt. Là. Puis tu disais tantôt que chaque arbre, chaque plante a son... Ça veut-tu dire que les plantes qu'on a à la maison, puis même à Montréal, là, où c'est tout plein de béton, là, il y a des entités de la nature aussi? Ou bien c'est surtout concentré en forêt, puis en ville, c'est plus difficile? Plus en forêt, parce que tu as plus de vie en forêt. Mais ça dépend. Il y a moi, un arbre au centre-ville? Personne, moi, elle avait une seule plante. Puis elle avait les entités de la nature là-dedans, mon ami. Et sa plante était pleine de pucerons. Il y avait une entité par puceron, puis il y avait des vers dans la terre, dans tout ça. Il y en avait des entités de la nature là-dedans. Mais normalement, en forêt, tu vas avoir des vers. T'as tellement plein de tellement plus d'animaux que t'as beaucoup plus d'entité de la nature. Maintenant, c'est sûr qu'à la maison, chaque être vivant, puis même la majorité des choses matérielles terrestres, sont jumelées à une entité de la nature. Qu'est-ce qui fait, bon, il y a de la vie dans la forêt, une forêt, par définition, ça se ressemble à des arbres, il y a un peu de tout, il y a de la terre, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits, tu vas rencontrer une atmosphère qui bien plaisante, un autre endroit, tu vas dire, ah, c'est pas plaisant. Un endroit à Montebello, on appelle la forêt des fées. Mais c'est tellement plaisant, c'est un endroit, c'est totalement féerique. Qu'est-ce qui fait que cet endroit-là, c'est féerique comme ça, puis un autre, c'est... on passerait pas là, grand temps seul. Bon, premièrement, c'est une question de tellurie, c'est-à-dire qu'il y a des... dépendamment de la constitution du sol, dépendamment de la montagne, donc dépendamment de toute la caisse de résonance énergétique, ça va engendrer, là, une vibration particulière qui va faire en sorte que ce qui va pousser là va donc nécessairement pousser en résonance avec la tellurie. Ça dépend donc du magnétisme de la place. Puis je parle le terme magnétisme, le terme est un peu... c'est pas un terme exact, mais plus la caisse de résonance des énergies de place. Ailleurs, on va avoir un territoire plus unique, donc relié au yin. Et là, on a une caisse de résonance différente. Et normalement, c'est plus humide, plus noir, plus épeurant pour un ego normal. Alors que dans la forêt des fées, c'est quelque chose de yamianique. Et effectivement, c'est féerique. C'est-à-dire, pourquoi le portrait non? Pas parce qu'on voit des fées là-dedans, mais parce que c'est féerique. Et la grande différence, c'est le contexte vital du territoire dans lequel tu te trouves. Alors, à Finorme, les autres, ils ont pris un endroit qui n'était pas trop bon. Et pas loin de là, il y a un endroit dans une forêt où rien ne pousse. Alors, il y a un cercle, plus ou moins bon, et puis il n'y a rien qui pousse là. Alors, eux autres, l'idée de l'explication, c'est qu'il y a un faisceau d'énergie planétaire qui sort carrément par là, tellement puissant, et eux allaient méditer là-dessus. C'est un amplificateur, finalement, c'est-à-dire qu'on a là un prototype tellurique particulier qui, et ça on en a maintenant, on a répertorié sur la planète Terre au niveau géophysique énormément de points de ce genre. Donc, dans les forêts, dans les endroits où c'est plus harmonieux pour l'être humain, sont des endroits qui ont une tellurie, une caisse de résonance énergétique qui entre beaucoup plus facilement en harmonie avec ta structure psychologique, ta structure égoïque, ta structure vitale, donc ta structure physique. Alors, c'est pourquoi il y a des gens qui vont adorer aller rester dans telle ou telle ou telle place, tel territoire, alors que d'autres vont dire, comment tu fais pour rester là? C'est une question de caisse de résonance. Ça ne veut pas dire que l'endroit est laid, ça veut dire que dans ton homochrone à toi, donc dans ta vie à toi, cet endroit-là, il est noir. Mais dans son homochrone à l'autre, cet endroit-là, non, moi je suis bien, je suis heureuse. Bon, alors c'est une question de résonance énergétique versus toi, ta structure, comment toi tu es bâti, donc tu résonnes bien ou tu résonnes mal. Mais finalement, ils sont partis de rien quand pour faire... Il y avait quand même la terre. Mais tu disais que c'était assez sableux. C'était. Bon, c'est ça. Alors, ça veut dire qu'à grâce aux entités de la nature, ils ont pu faire pousser des choses. Il y a un bonhomme qui a fait un essai, à un moment donné intéressant, pour protéger ses plantes des agressions d'insectes. Mais vous savez qu'il y a un paquet de personnes qui ne touchent pas à terre. Monsieur Raid? Non, un autre. Monsieur Daguerre. Mais c'est une farce aussi. Ah oh oui. C'est parce que Daguerre, c'est lui qui a inventé les daguerréotypes, les premiers prototypes de la photographie. Alors, le bonhomme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une photographie de son chat. Il a pris une photographie du chat. Ah, OK. Il l'a mis sur un poteau, en plein milieu du chat. Il a arrosé la photo d'insecticide. Ouais. Tous les jours, il a arrosé la photo d'insecticide. Et son chat a à peu près eu aucune agression d'insectes comparée au chat des voisins. Sa photo était finie. Ah! Mais Daguerre, le gars avait essayé ça. Et ça avait fonctionné. Alors, il reprend d'autres photos. Un Polaroid. Monsieur Polaroid, après. Clic. Mais quoi, c'est une farce de A à Z, ça? Ou... Mais non, c'est sérieux. C'est sérieux, disons, de B à W. Parce que il resterait expérimenté, mais il y a quand même dans plusieurs écrits, on relate, pas juste d'autres ont essayé, plusieurs ça a manqué, d'autres ça a réussi. Un peu comme à un moment donné où on disait, quand tu fais pousser des fèves, si tu veux pas que tu te fasses attaquer, au lieu de planter un petit arbre, fais pousser un épi bleu d'Inde. La fève pousse autour de l'épi bleu d'Inde, et puis là, ton épi bleu d'Inde n'est pas attaqué par les prédateurs, et la fève non plus. Mais il faut être un petit peu zinzin pour croire à ça. Alors, moi, étant zinzin pas mal, un jour, j'ai eu un champ, 120 pieds par 20 pieds avec un ami dans le coin du Saguenay. Et là, on a planté tout ça d'une façon, les fleurs, les chrysanthèmes avec les tomates, on a eu un paquet d'affaires de même. Là. On a eu un champ, c'était beau. Et on a fait des expériences. Les pommes de terre là-bas, on ne les mélange pas. Les pommes de terre ici, pommes de terre, navets, betteraves, etc. Bon, du travail. Les pommes de terre où on n'a rien fait, mais il y avait des bébés de patates, après ça, il y en avait sans arrêt après les feuilles. Les autres, il n'y en avait pas. Et les fèves, eh bien, à un moment donné, on avait des grosses fèves, un gros fèvier, en tout cas. On avait des bibles d'aide, on n'a pas eu des pieds parce que, bon, c'est mieux neiger trop de bonheur. Puis, à un moment donné, eh bien, voilà, on avait un plant de blé qui poussait, de blé d'Inde. Et avec un gros fèvier, des grandes feuilles, des plein, un peu comme la chevelure que j'aurais dû avoir. Et puis, sauf qu'il n'y avait pas de fèves. Mais il y avait trop. Jusqu'au jour où je me suis décidé d'arracher tout ça après, parce que là, par l'arrachant, je me suis rendu compte que les fèves étaient rendues grandes de même, mais dans une feuille. Bon. Non! Non, ouais, regardez, c'est pas, je commençais. Alors, ça fonctionne. Mais qu'est-ce que tu as fait avec les entités de la nature, là, par rapport à ça? Ben, nous, on a simplement décidé qu'on voulait avoir un beau jardin. Et on a acheté plein de livres. D'ailleurs, dans ces livres-là, on disait qu'on peut prendre des photographies, mais on n'a pas de Polaroid. Bon. Alors. Par contre, on avait des grains de fleurs, etc. Alors, on a mélangé les choses de façon à créer ce qu'aujourd'hui on appelle l'agriculture biologique. Ça fait quand même plusieurs années, 15 ans, qu'on a fait ce genre de compagnonnage, le fait de mettre un chou à côté d'un navet ou d'une carotte. Oui. Ou, mais là, c'est ça. Alors, évidemment, il y a plusieurs explications que, bon, au départ, la science en rit. Alors, on se rit énormément. Aujourd'hui, de plus en plus, on en rit moins parce qu'on est capable de s'inventer des explications qui vont aller en affinité avec les normes scientifiques. Alors que les personnes au départ qui faisaient ça, on a commencé ça chez les hippies, on a commencé ça chez les granola, et eux avaient des explications spirituelles de la mécanique. L'explication spirituelle, on va dire, ça c'est parce que c'est niaiseux. C'est peut-être niaiseux, mais c'est ce qui a dirigé l'idée à créer l'agriculture biologique. Et par la suite, ben, on a réexpliqué leur stupidité, d'une façon moins stupide, mais la science ne pouvait pas découvrir ça, alors que les gens plus spirituels pouvaient. Fait que toi, le simple fait de vouloir avoir un beau potager, tu n'es pas obligé de parler aux entités de la nature. Non, pour la simple raison que là, on travaillait, nous, dans le but, on était hors norme de l'humain. On ne mettait pas d'insecticides, on arrosait avec l'eau d'un lac. En tout cas, il y a d'autres affaires qu'on avait faites. Et puis, nécessairement, ça tenait à part. Et parce qu'au lieu d'arroser pour tuer les insectes, on a mixé les plantes de façon à ce que les insectes ne viennent pas. Nécessairement, tu es déjà en beaucoup plus grande affinité avec les entités de la nature. Mais ce qui arrive surtout, c'est qu'il y a des entités qui se plaisent mutuellement. Et c'est ce qui crée le compagnonnage. Et automatiquement, se plaisant, le travail qu'elles font ensemble de protection est double. Et ça fait en sorte que les entités des insectes, des plantes, etc., pas des insectes, mais pas des plantes, des insectes, est moins attirée, ne vient pas là ou carrément se fait achaler. Finalement, c'était quasiment une rencontre matrimoniale vitale. Tu avais toutes sortes d'entités qui se plaisaient. Oui, puis, pour expliquer qu'à l'opéra, c'était là, on s'amusait. C'est qu'on était, c'était chez le terrain, c'est un de mes amis, son père avait une espèce de grande ferme, puis là, il ne cultivait plus, il louait ses terrains. Alors, 120 pieds par 20 pieds. Alors, il y avait le lot 1, 2, 3, 4, 5, on avait le 15, il y en avait un paquet d'autres. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que nous, il n'y avait presque aucun animal, on n'était pas d'insecticides, c'était vraiment, ça poussait, puis c'était gros. On a des gros zucchinis, des gros oignons, ce qu'on avait, bon. Et c'était parfait. Les deux jardins du voisin, eux autres, il y en avait des bébites! Puis ça allait comme ça, s'atténuant jusqu'à la normalité. Alors, ça repoussait. Ah, c'est ça. Il y avait des choux qu'on avait, on avait planté des choux avec d'autres plantes, les choux, les gros choux, c'était correct. Le voisin, ses choux étaient toujours blancs. Ceux qui ont déjà cultivé des choux, c'est parce que vous mettez beaucoup d'insecticides en poudre dessus. Leur chou était toujours blanc. Fait que la marée venait pas, mais leur chou était blanc. Pour empêcher les vers à choux de grignoter tout ça. Alors, le père de notre ami nous a dit c'est peut-être parce que les voisins ont tellement mis d'insecticides que ça a une répercussion sur votre jardin. Puis ce qu'on se disait, c'est qu'on s'en fout, nous autres, l'important, c'est qu'on n'en ait pas. Quand tu mets de l'insecticide comme ça, ça doit tuer aussi, ou en tout cas, si ça ne la tue pas, ça les magane pas mal, les entités de la nature. Chaque fois qu'un être vivant meurt, il y a une entité de la nature qui disparaît. Il ne meurt pas, il disparaît. Alors, nécessairement, quand on arrose, bien, on va à l'encontre des entités de la nature, ce qui fait que les plantes ne sont pas aussi belles, ne sont pas aussi organisées. Les mélanges génétiques, ce qu'ils font, bien, en mélangeant la génétique, on mélange la structure, on change la structure vitale des plantes, et nécessairement, on crée des entités de la nature qui sont nouvelles, qui sont nouveaux. Alors, ça permet d'avoir des entités qui vont être capables de travailler la plante pour permettre à la plante de rester, de devenir résistante. Soit ça, il y a du compagnonnage qu'on va faire aussi, avec par exemple des plantes transgéniques, où on va mélanger des gènes d'autres plantes ensemble, ou des gènes d'animaux, carrément d'animaux, avec des plantes, pour permettre à ces plantes-là d'avoir la capacité de se défendre. Mais ça ne se défend pas, on constate une réaction, et donc au niveau des entités, quand on regarde avec une cérébrisation, on voit une entité qui est différente chez une tomate transgénique de chez une tomate qui ne l'est pas. La science va l'expliquer d'une autre façon, et tout le monde a raison. Et tout le monde se dit. Quand on parle, quand on a une plante chez soi, puis qu'on lui parle, puis qu'elle pousse, est-ce qu'on plaît à l'entité de la plante? Normalement, ça crée le divorce, puis la plante, ça pousse mieux. Ça crée le divorce, puis... Bon, quand tu parles à ta plante, là... OK, tu parles plus à ta plante que... Ouais. Mettons que tu es célibataire, puis que tu as une plante ici. Tu es célibataire. Moi, j'ai essayé ça. Je pousse ma tabarouette, puis ça n'a pas marché. Non, c'est pas comme ça que tu parles. Parce que, étant donné que nous aussi, on a une entité de la nature reliée à nous, ce que je me disais, si en parlant à la plante, puis on est gentil avec la plante, ça plaît l'entité, puis ça aide la plante à pousser, il y a peut-être quelque chose à faire avec notre entité pour nous aider. Bien, c'est ce qu'on fait régulièrement aussi lorsqu'on va se donner des compliments, ou lorsqu'on va se parler, etc., ou lorsqu'on va s'aimer. Nécessairement, l'entité s'occupe de nous aussi, puis ça va créer juste la visite dans les hôpitaux. Ah, ça a un effet psychologique, ça a un effet aussi au niveau de l'entité de la nature. D'ailleurs, l'idée même, c'est que si quelqu'un est totalement dans le coma, si tu vas le visiter, tu vas lui parler. Hein? Quand on dit qu'il est légume, là, tu parles de plantes. Alors, et puis, là, on va dire, c'est peut-être que psychologiquement, il est là aussi, mais il y a aussi l'entité de la nature qui est là, lui. Lui, il est totalement là. Tant que le corps est vivant, l'entité est là. Ça, parce que... Alors, en parlant, en l'aimant, en parlant, en touchant, etc., veut pas, ça restructure le corps. C'est pas puissant, mais des fois, c'est le petit peu qu'il fallait pour que l'humain qui était dedans fasse le... Et puis faire son travail. Mais est-ce que ça peut être aussi quelqu'un qui agonise? Moi, je me souviens, mon grand-père, il agonisait vraiment, là. Je lui ai tenu la main la fin de semaine. J'ai eu la grippe, moi, personnellement, mais lui, il a tenu. Il est resté vivant toute la fin de semaine. En étant la main, premièrement, il y a un échange d'énergie vitale. Donc, nécessairement, tu épuises ton corps pour nourrir le sien. Non, mais c'est son entité qui fait que. Oui, c'est ce qui va arriver. Transfert d'énergie vitale, puis en plus, tu parles, etc. Mais tu n'étais la main ou là, tu étais pris? Ben, j'étais un peu pris, c'est que c'est ma sœur qui m'a dit. Mais ma sœur, elle s'enlignait pour aller tenir la main, mais c'était elle à m'a délégué, tu sais. C'est moi qui étais pris. Elle s'est sauvée, puis c'est moi qui étais pris. Bon, il y a un transfert d'énergie vitale. Ensuite, il y a aussi le travail avec son entité de la nature. Et ensuite, ça se peut aussi qu'il serait pas mort tout de suite. Ah, ouais, ouais, ouais. Il faut s'ouvrir à tout. Mais non, mais la part, c'est qu'il était vraiment mieux. Parce que je voyais qu'il était mieux. Je voyais pas que ça donnait grand-chose, par exemple. Ah, mais s'il était déjà un peu mieux, il y a un travail qui va se faire au niveau des entités, puis il y a un transfert d'énergie aussi qui va se faire. OK. Avant d'aller à la pause, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tirer des billets. Vous pouvez sortir votre billet, regardez le numéro, je vais tirer. Okay. Alors, le premier numéro, le numéro 67-13-65. 67-13-65. Le deuxième, 67-13-63. C'est deux fois 67-13-63.